le plus aimé par Jean Rameau. La petite vieille dit à son entourage de jeunes femmes : Comment ? L'homme que j'aime le plus, vous me demandez ? Ça, c'est indiscret, par exemple. Vous pensez bien qu'une femme de mon espèce, qui a chanté 10 ans à l'opéra, qui a fait des tournées en Amérique et ailleurs, ait l'occasion d'en aimer quelques-uns, de ces beaux spécimens du sexe d'en face. Le plus aimé, mon Dieu, je ne sais plus. Ça se perd, vous savez, la mémoire. Et puis, qu'entendez-vous par aimé ? Il y a tant de façons. Mais si aimer, c'est se plaire dans un souvenir, si le meilleur amour est celui qui laisse l'impression la plus douce et la plus durable, je n'hésite pas, mes amis. Il y a eu un amour de cette sorte dans mon existence, et il m'aime encore. C'est celui d'un pauvre garçon qui s'appelait... Non, ne le nommons pas. C'était un homme quelconque, plus très jeune. Il avait dépassé la quarantaine. Pas très beau non plus. Il avait les épaules étroites et le menton trop court. Mais il portait dans ses yeux une lumière que je n'ai jamais vue dans d'autres yeux humains. Des yeux jaunes, qui semblaient deux lucarnes ouvertes sur un incendie. On sentait des idées flamboyantes dans ses têtes-là. Il était riche, possédait un château en province et y demeurait presque toujours. Il était vaguement peintre, sculpteur et même poète. Il aimait passionnément la musique, bref, ce qu'on appelait un amateur autrefois, et un dilettante, naguère. Il m'entendit chanter dans la damnation de Faust, d'amour, l'ardente flamme. Vous connaissez l'air. Et il s'emballa pour moi. Longtemps, il m'envoya des fleurs, des lettres, des vers. Des fleurs et des lettres, j'en recevais pas mal dans ce temps-là, des vers aussi. Mais il me sembla que les siens avaient un son spécial, on ne sait quoi d'aigu, qui entrait au cœur comme le cri d'un oiseau malade. Il était tuberculeux, je le sus plus tard, et son amour exaspéré pour moi n'était au fond qu'un appel désespéré à la vie, au bonheur, à tout ce qui l'abandonnait. Il n'y a rien de fort comme la tendresse d'un phtisique. On ne connaît pas l'amour tant qu'on n'a pas été aimé par un mourant. Le corps qui n'en peut plus cède alors toutes ses énergies à l'âme qui se croit éternelle. Je fus touché par les hommages de ce galant homme et je m'abandonnai bientôt à lui. J'allai passer un mois dans son château. Nous nous y aimâmes comme deux fous. Il voulut m'adorer dans toutes les pièces. Il y avait 5 ou 6 salons et 20aine de chambres. Il me fallut chanter partout, jusque dans la cuisine, le garage, les greniers. Mon amoureux m'écoutait les mains jointes, recueilli comme un premier communiant. Il en pleurait d'enthousiasme quelquefois. Je sens encore la tiédeur de ses larmes sur mon épaule. Et il ne me suffit pas de chanter. Il désirait en outre me voir rire, danser, m'agiter, remplir l'air de mes gestes et de mon exubérante jeunesse. Il m'expliqua. Comprends-tu, mon amour ? J'aime ma maison. J'y vis les 3/4 de l'année. Et je veux qu'elle reste pleine de toi. Tu me quitteras bientôt. Tu t'en iras chanter à Londres ou à New York. Tu aimeras d'autres hommes. Tu en épouseras un peut-être et tu seras perdu pour moi. Alors je te prie de les meubler de toi, toutes ces chambres où tu ne seras plus. Qu'il reste des échos de ta voix au coin des corniches, de tes souffles dans les plis des rideaux, des reflets de ta beauté dans les glaces. Meubles, parfums, enchantes, éblouis, que je te sente encore un peu avec moi quand tu seras tout avec d'autres. Réponds-toi partout. Oh, je t'en prie, sature l'atmosphère de ton haleine. Imprègne les murs de ton moi impalpable, que je t'y respire éternellement. Tiens, étends ton corps sur ce canapé, déroule tes cheveux sur ces coussins, appuie ta hanche sur cette colonne, marche les pieds nus sur ces tapis. Que tout reste ici égayé, embaumé, vivifié de toi, et que j'y nage dans ton souvenir comme ce poisson dans sa basque. Il délirait. Et je me mis à délirer comme lui. Je fis tout ce qu'il demandait. Je remplis le château de mes chants, de mes danses, de mes jeux. j'aurais voulu y laisser non seulement ce qu'il appelait mon moi impalpable, mais beaucoup de mon moi réel, des particules de mon corps jeune et sain. Une nuit, je mis de mes cheveux dans un brûle-parfum et je me promenais dans toutes les pièces. Cela devenait de la démence, mais ce n'était rien encore, mon pauvre poète. Savez-vous ce qu'il me demanda pour finir? J'en frissonne quand j'y pense, et j'y pense souvent, allez. Un jour, il me prit la main, me conduisit dans une sorte de crypte que je ne soupçonnais pas et m'arrêta devant une longue caisse de forme impressionnante, un cercueil. Je reculai. « Non, non, supplia-t-il, je mourrai bientôt, tu le sais bien. Voici ma bière qui m'attend. Je l'ai commandée moi-même. Elle sera ma dernière demeure. Chante donc là aussi, mon amour. Allonge-toi une minute dans mon cercueil et chante. Oh ! M'indignai-je. Ami, ami, ne refuse pas, s'écria-t-il. Tu as chanté partout où j'ai encore quelques jours à vivre. Chante là où je dois rester éternellement. Mais c'est de la folie. Non, ce n'est que de l'amour. Chante. C'est la dernière grâce que je te demande. Allonge-toi entre ces planches. Tiens, pour que tu sois mieux, je vais y effeuiller des roses. Tu veux bien, dit. Oh, je t'en conjure, chante, chante dans mon cercueil, pour que je sois préparé au concert des anges. Ah, tu veux bien, merci. De sa main, déjà décharnée, il effeuillait des roses. Une grande gerbe de roses rouges qui était sur un tabouret proche. Quand le fond du cercueil en fut parsemé, il me prit, me poussa, me courba. Il tremblait de tous ses membres et je sentis bien qu'il aurait pu se tuer si je n'avais pas obéi. « Oh !» s'écrièrent quelques jeunes femmes autour de la petite vieille. « Et vous avez chanté, madame ?»« Oui, chère petite, j'ai chanté. »« Oh, en pleurant !»« Eh bien, des roses durent se mouiller autour de ma tête. »« Mais qu'avez-vous pu chanter ? Le De Profundis ?»« Non. L'air le plus passionné de mon répertoire, celui qu'il aimait tant, parce que je l'avais chanté le jour où il me vit pour la première fois. D'amour, l'ardente flamme, de Berlioz. Depuis lors, je n'ai jamais pu le chanter nulle part. Mais je prie dans mon testament qu'on le chante sur moi. Le jour où l'on me mettra moi-même en bière, avec quelques roses flétries que je vais vous montrer, mesdames. Ce sont celles qui furent effeuillées dans le cercueil, pour qu'il me fût plus doux. Il rendra le mien plus doux aussi. La petite vieille ouvrit un coffret d'ivoire qui était à côté d'elle sur un guéridon. Il prit quelques pétales décolorés, et ses lèvres, aussi décolorées peut-être, firent là-dessus un petit bruit tremblotant qui aurait voulu être un baiser. C'était Le Plus Aimé par Jean Rameau.